Et vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2014 et dites-le, c'est la merde. About it. We'll be right back. shit. We're gonna shoot each other down in the fucking heads the whole fucking time, up the ass, and bloody gore is coming out of it, pain, anguish. Oh my god, what have we done? Aren't we dead yet already? I mean, do you see what I mean? Do you see what I mean, man? Thank you. Welcome, Sesame Up My Ass, the whole fucking time. Welcome, bienvenue, bienvenue, c'est l'enfer. C'est pour vous, c'est gratuit parce que c'est une association à but non lucratif. Et dans mon cul, dans mon précieux cul qui fait mal, qui souffre tellement sanguinement qu'il est, je m'encule. Good and grand. I want it up my ass. I'd like to see the blood. It's all about the blood, you know. The blood. It's disgusting. It's disgusting. It's gross. Yeah, that's what it's all about. It's all about it, man. Just gotta find a way ahead of time. We gotta go forward ahead of it. Ahead of it. The whole fucking time. Just feathers down the clipped insanity against the membrane. The membrane. The membrane is fuck. Cassidy, yeah. It's because of it. It's all because of it, you know? Just gotta go insane. Just got to. You just gotta go insane. I mean, it's not like you're feather plucked insane or anything. You're just fucked. Nous observons la latence d'une inémancipation. Une inémancipation dorée. Comme un staphylocoque, un staphylocoque, coq, cock, un staphylocoque. Up my ass the whole fucking time. It's just gotta go down, you know. It's just gotta go down, down, the whole fucking time, the whole fucking time. That's what it's all about. It's all about it, man. About it. histoire. Une histoire de dorure, morue salée et de pinède. L'épinède, qui un temps soit peu, sec, comme l'azur, brûle le long des feuilles mortes qui puent la merde du cul. Et ça sort comme une crotte du cul qui pue, la merde, toujours présente dans nos vies. Il faut inspecter sa merde pour être sûr qu'on est en bonne santé. La merde, on la bouffe par les narines, par le cul, par la bouche, par les oreilles, et par le nez, et par les narines, et par la bouche, et par le cul, et par le nez, et on y fout les doigts, et ça colle, et ça tâche, et ça pue, c'est la merde, en effet, elle est bien là pour nous, cette merde-là, qui nous suit à ravir pour l'éternité, dans un mois seulement, de fil doré. La dorure morue salée, comme j'en parlais tout à l'heure, revient à dire que finalement, il n'y a pas de chose dans l'émancipation, ou devrais-je dire l'inémancipation, d'une dorure toujours lazurée, en même temps que le feu brûle l'épinède sec. Comment remarquer la tergiversation dans une tangence? Suffit-il de le dire? Suffit-il de le mentionner? Il n'y a pas de beauté sans laideur, sans jugement, atrophiant. C'est la mort. bienvenue dans l'aéroport Roissy Charles de Gaulle 2. À votre droite, vous trouvez les chiottes et à votre gauche, vous pouvez acheter des canettes de bière. Vous allez embarquer dans un vol pour l'Amsterdamer 8-6, 2 degrés, point centigrade Celsius Fahrenheit, dans votre cul. Vous êtes la merde et l'avion est au fond du trou. Venez donc dans l'aéroport Roissy de Gaulle 2, vous faire enculer par un avion en plein de réactions pleines. Thank you. Thank you. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui bat son cours, qui suit son plein. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2014. Il est actuellement 22h14, presque 15. Nuisance vous encule. We're all gonna fuck each other in the ass. We're all dying, it's hell. It fucks up. Fuck us. Fuck it. Fuck me. Fuck. It's all about it, god damn it. We're never gonna get out of this hell. We're all gonna stay here forever, forever. What the fuck? Sinners sinning everywhere, sins, that's all I see. I don't see anything good in humanity. Fuck us, we deserve it. Death, I mean. In the asses, you know it. You know what I mean. We're all gonna die. fucked in the head, you know what I mean? And it's never gonna stop. It's just hell forever, an internal damnation. We should fucking pray to God and thank the Wizard of Oz. That's what I say. I mean, it's not ever gonna change. It's always changed forever, you know what I mean? Fuck us, I say. God damn it. Fuck us. You know what I mean? It's not like I'm alone or anything, or anybody's here, or, you know, fucking you in the ass, stupid people. You know what I mean? You hate me, I know it. Don't lie to me. I can see it in your asshole. It bleeds with hate. It bleeds with rotten, stinky, smelly, sticky fucking hate, you dumb ass fucks. You're full of shit. Allora vaffanculo, ok? Vaffanculo, piccolo bastardo. Ma non c'è finito di gritare tutto da giorno, merda. Ma come stai? Perché? Allora vaffanculo, ma non smetti mai. Smettila di mentire. E dove a cavolo hai messo i miei occhiali? Smettila di mentire. Eh? On vous encule. Non ti m'encule. Vous me prenez un peu en giro, non? Vous me dire on t'encule. Je le sais, vous me détestez tous. Ah si. Vous allez crever en enfer. Io aspetto ancora le chiavi, bordello di merda. Nous allons crever en enfer. Un casino infernale. De merde. Le chiavi. Vaffanculo! Vaffanculo, vi odio tutti! Ah sì, è perché è sempre le chiavi, no? Stupidity, tutto il tempo le chiavi, due me. Chiavi, dove siano, eh? God damn it. Dove siano due chiavi, eh? Penitenti agite! Le mio, io so dove sono, ma le tue, dove sono? Maledictus. Dove siano tuo criale, eh? Le chiavi. Sono perché sul tavolo, holy fucking Satan, vicino motherfucker, alla fuck frutta. Me in the ass. Le chiavi sono in cucina, sul tavolo, vicino alla frutta. Ma bravo, ti ricordi qualcosa, ma merda. Fuck me in the ass. Ma dove cavolo hai messo tua memoria? Stupidity everywhere, I hate it. Non lo so. Sento stupida. Ma chi sono, merda? Non lo so, ma a volte mi sento stupida. Ma bien veramente stupida. Mi sento come se stessi in inferno. Certo. Hai ragione. Infernale, no? Ma fa di me un diavolo, no? La libertà c'è l'enfer. Tu. Tu sì, sei il diavolo personificato. Tu sei la peggiore pena che mi possa essere mai stata afflitta. La libertà sa più la merda, dei keuf. Perfetto. Tu, peso incombente. Sì. Trenante sui giorni della mia esistenza. Tu, ti mentire. Rido? Forte? Gigante, Massimo, God damn it. We're never gonna Massimo, make it out of here. Very big, very it's always gonna go on forever. Enormous, it's never gonna stop. Enormous, you got infinite, no out of here. Forever, God damn it. Non è tanto male. Torre di controllo, torre di controllo. We don't deserve shit. Merda. We deserve nothing. Uranio proveniente da New York si sta per scontrare con uno proveniente da Manhattan. Baby, don't you volunteer. God damn. I'm feeling good, you know. I'm gonna work it on out. Death. Blagnac, Toulouse. Un accident d'avion, il est en train de se passer. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Vous écoutez Nuisance. Attendez, agité. You fucking satanists. You fucking satanic. Satanic wannabes. You're asking the devil to come here and possess me up the ass. I refuse. I categorically refuse to be fucked by the devil up the ass. Motherfucker. Sodomites are not welcome up my ass. Do you want you shut your mouth? Sodomites can go to heaven if they like to. I want to go to hell. I suck the devil up the ass with licking pus and cum up my fucking dick wide with a tube up my dick. Shut. L'urètre est plein de merde. J'ai foutu de la merde, dans mon urètre jusqu'au fond. Pour ne pas s'entendre, je veux dire 100 ans, ma souffrance, toujours dans le cul, je préfère l'avoir dans la bite. Mieux vaut là qu'autre part. Voilà notre ami Yoris. Il est venu ici de très loin pour nous parler de quelque chose de très sérieux. Vive la merde! Vive la merde! Il y a comme une odeur de soufre dans l'air. Est-ce que vous avez convoqué le diable, invoqué le diable, par lettre d'admission, je veux dire, recommandé? Il vous reste 6 minutes de vie. Flatulente réaction que celle du diable en parlant de la vie de quelqu'un qui dort. N'est-ce pas? Ne dormons-nous pas tous dans le cul, la tête, je veux dire, la première? Mieux vaut le second que le premier. Le premier souffle dans le cul vaut mieux le second que le premier souffle dans le cul. Qui pue. La merde du cul qui pue. La merde du cul. Il vous reste plus que 5 minutes de vie. Avant de crever, comme un abcès purulent que vous êtes. Ça, c'était la sonnette. Vous êtes réveillé. Bonjour. Il est l'heure d'aller au travail. Il est l'heure de prendre le café. Il est l'heure de fumer la cigarette. Il est l'heure d'entamer votre journée. Il est l'heure de doucement se mettre dans le bain. Dire bonjour à Joël. Louette. Rencontrer de nouvelles personnes. Louette. Louette, quand est-ce que je te baiserai? Je te baiserai dans le cul, je te baiserai dans le cul. Alouette, alouette, je te baiserai dans le cul. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai la queue, et la queue, et la queue. Ah, ah, ah, ah. Je vais te plomber la queue. Je vais t'arracher les testicules. Je vais t'arracher les cheveux, les tripes, les entrailles, les veines, les poumons. Ensuite, le foie, les reins, les pancréas, les ovaires, les utérus. Alouette, boîte, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la queue. Et la tête et la queue, et la tête et la queue. Ah. Alouette, j'ai ta merde. J'ai ta merde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais t'arracher les pantalons, les estomacs, les viscères, les poumons, les ovaires, l'utérus. Alouette, c'est ta mère. Alouette, tout m'a confié. C'est arrivé. Les pétages de plomb. Alouette, Alouette, Alouette, je te dis ciao. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend! Vous m'entendez? Oui! Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Allô? Entends-tu? Vous en avez pas marre de parler et tout? Je vous prie pas un peu d'écouter? Allô? Allô? Allô? Ah, bonjour. Allô? M'entends-tu? Allô? M'entends-tu? Non? Merde. Allô? Putain. Oui. Hey. Oui. Hey. Oh. Hey. Allô? Oui, je te parle. Dis-moi. Je suis en train de te parler, c'est pas à moi de te dire quelque chose. J'ai entamé la discussion, maintenant c'est à toi de prendre l'initiative. Ok, je prends l'initiative. J'en fais un paquet cadeau. À qui je veux donner l'initiative? À qui? Tiens, je te fais un cadeau. c'est un cadeau empoisonné. C'est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est de l'initiative. Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est tout? C'est tout ce que tu as à me dire? C'est tout. Tout ce que je te dire, c'est ça. Prends ton cadeau de Noël. Prends ça. Prends de l'initiative. Bouffe ton cul. Ramasse tes manches. Travailler. Travailler. Oui. De travailler. Travailler. Le travail. Avec quelle association? Dans quel contexte? Dans un contexte professionnel. Avec une bonne présence. Tu me vois en train d'attendre en queue au Pôle emploi? Tu me vois en train de... C'est la merde de cette société tous les jours. De façon professionnelle. J'ai un diplôme, moi. J'ai pas besoin de faire ces travaux inférieurs. C'est un scandale. J'ai plus de 25 ans. Mais le travail, c'est le travail. Ça ne peut plus durer comme ça. Moi, je pense que la seule solution... Je ne suis pas d'accord. Ce serait d'annihiler toute cette putain de saleté qui infecte mon atmosphère et me pompe l'air. Tous les centres des... C'est un scandale. C'est un scandale. Des réseaux commerciaux. Des nations. J'en ai tellement marre de mes bénéfices. De mes bénéfices. Faire péter tous les boîtes à l'air. J'en ai marre. Ça me dégoûte. Dépister. Ça me dégoûte. Bien. Ah. Une seule solution. Le Blitzkrieg. Bien. The Blitzkrieg on society, yes. Let's fuck ourselves. That's the only solution, man. We gotta fuck ourselves and each other forever and stay forever dead. It's the only solution. We gotta fuck it all, yeah. Slit the highway of scum leads the way to the cemetery. I'm sucking every second of my soul. Seduced into sedation. Seduced into sedation. Fucking, that's the only solution. Fucking till we die. I mean, love? What the fuck? Let's fuck each other in the asses. Let's fuck each other in the asses. God damn it. I mean, like, what the fuck? On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Alors pourquoi on commencerait d'abord par la fin, hein? Faut mieux commencer par le début. Crevons. La vie, ça commence avec une bêtise et ça finit par un accident. L'accident, c'est la vie. La bêtise, c'est encore mieux. Je suis pas une pute. Merde. J'aime les putes. Elles méritent pas d'être appelées putes, les putes. Elles méritent d'appeler péripapéticienne. Comme la philosophie. Ça, c'est celle oui, qui c'est... dit que la vie, c'est l'accident. L'accident de la vie. Et la mort, c'est la récompense à la fin. C'est le but. Le but final. Attends, laisse-moi. Aristotélicien. Putain de merde. T'as pas un cigarette. Pas une clope, s'il te plaît. T'as pas une clope. T'as pas 100 balles. T'as pas 10 queues, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te suce la bite pour 10 queues. On fait l'amour, si tu veux, pour 50 euros. Pour 50 euros, je te suce la bite. Je te suce la bite pour 50 euros, d'accord. D'accord. Pour 50 euros, je te suce la bite et j'avale. Hey, 50 euros, est-ce que j'ai plus cher? Oh, ton foutre, il est trop bon, 40, je t'aime. 40 euros, je t'aime pour tellement, le bébé. Oh oui, mets-moi ta bite dans le cul. Allez, oh oui, foutre-moi le dieu dans le cul, dans le cul. Foutre-moi oui, le dieu dans le cul. Foutre-moi le dieu dans le cul, dans le cul. Foutre-moi dans le cul. Foutre-moi dans le cul, dans le cul. Foutre-moi dans le cul, dans le cul. Foutre-moi dans le cul, dans le cul. Foutre-moi dans le cul, dans le cul. Foutre-moi. 56 pour la dame dans le pull rouge. Tout le monde veut le foutre. 58. Eh oui, allez. 76. 89. 67. 26. 32. 98. Téléphone le 05 61 53 36 95. Téléphone le 05 61 53 36 95. Canal Sud ou canalsud.net avec le www.http://. Téléphone le 05 61 53 36 95. Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine. Ailleurs, c'est le www.canalsud.net. Nuisance, c'est l'émission qui s'encule elle-même avec un grand déplaisir. Merde à vous, merde à nous, merde à tout. Le gagnant de ce soir est le numéro 27, 17, 12, 56, 47, 32, 29, 57, 38, 47. Et oui, il y a eu beaucoup de gagnants au loto cette année. 39, 28, numéro bonus, 42. Oui, madame. Madame. Bonjour, je suis le numéro 48 93 75 15 14 02 22 48 99 2003. 2003, eh oui, bon, vous avez gagné. Putain, mais c'est l'enfer, arrêtez s'il vous plaît. Moi j'essaie de faire une émission constructive où les gens s'expriment librement sans faire chier les autres. Sans faire chier les autres, ça s'appelle nuisance et c'est pour le plaisir qu'on fait ça. C'est pas pour la merde. Non, la vérité, arrêtez quoi, s'il vous plaît. Je voulais pas. Vas-y, j'en ai rien à foutre, chiale si tu veux. Tant que tu fais pas chier, c'est bon, t'inquiète. Toi aussi, tu peux chialer si tu veux. Mais je suis gagnante. Je veux seulement contribuer. Non, je suis gagnante. J'ai gagné. J'ai gagné. On m'a interrompu dans mon discours. Oh, mais chiale, j'ai gagné. Avant qu'on me casse, je disais, dans ce jour, les choses qui se passent en ce moment même sont d'ordre ésotérique, exocentrique. C'est pas grave, si on m'écoute, l'important c'est que je parle, non? couche parce que je mens tout le temps. J'aime mentir et puer de la gueule. C'est bon. Ça fait un goût dans la bouche qui est bon. Et ça fait une couverture sur les dents et comme ça, elles glissent pas, mes dents, elles accrochent. J'aime bien quand mes dents, elles accrochent avec du pu dessus. Qui pue. Du pu qui pue sur mes dents. Poilu. Oh mon Dieu. Ton Dieu, c'est moi. Écoute-moi, j'ai les dents qui puent. Et je veux que tu aies les dents qui puent aussi. S'il te plaît, donne-moi une bite dans le cul. Non. Non. Non. Non. Non. Mais non. Non, je ne suis pas d'accord. Absolument pas. C'est complètement impossible. C'est impossible. Perché impossible? Mais c'est impossible parce que c'est impossible, voyons. Tu comprends bien pourquoi ce serait impossible. Ma l'impossible, visto che è nei limiti dell'immaginazione. Può essere possibile. Possiblemente. Mais tu rêves. Sogno. Sognare. Beh sì, forse sogno. Elle est belle ta fiction. Sembra essere vero. Non so. Penso che sia veramente quello che penso. E che penso? Penso che l'impossibile, essendo nei limiti dell'immaginazione, diventa possibile. Bravo, elle vit dans une dimension parallèle. M'exquis. Et tu fais quoi sur cette terre alors que t'es à travers? Parlons de moi. Moi, je suis le premier. Moi, je me sens une dive. Une dive. Une diva. Une star. Ah. Elle se prend pour une star. Il y en a combien comme toi qui éclaire le ciel, dis-moi. Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Io penso che tu hai troppo fatto il bere, eh? Perché merda, tu non tieni su piazza, eh? Tu fai così, ma tu non fai attenzione alle cose che passa dall'alto di te. È un scherzo. Io sono una terza dimensione nel quale tu vivi, ste merda. Una blasfema. Ma chi siamo, merda? Ma tu pensi allora che non posso più con queste storie di magia, no? So, un scherzo. Una menzogna. Menzogna. Sono uno scherzo. Scherzo. Sono un pagliaccio. Sì, un pagliaccio. Sono una puttana. È una sacerdotessa. Una sacerdotessa? Che è questo? Definizione. La sacerdotessa. Pronunzione. Definizione. Assaggera. Sacerdotessa. Ah, sacerdotessa. Una specie di ancella che serve un qualsiasi dio. Una specie di sarcella che serve a Dozzo Quiglia. Allarme, allarme, allarme, allarme, allarme. What are you crying about, baby? Hey, what are you bubbling about now? Come on. What's up with your lips? Come on. Where's that coming from, eh? Some morse. délicatement dans les souffles. Ingurgité par les souffres du Vésuve enflammé. Respirez. S'étouffer. Profitez. Dans des amas de carbone atrophié. Ça passe vite. Sur le sang expié des péchés. Ça passe vite. Vite. On se gonfle là. Vite. On devrait se tirer. Vite. Vite. Vite. Vite. Vite. Vite. Vite. Dépêche-toi. Vite. Vite. Vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bite. Bite. Bite. Bite. Bite. Bite. Bite. Bite. Dépêche-toi. Bite. Bite. Bite. Bite. Dépêche-toi. Bite. Bite. Bite. Maintenant. Maintenant. Mais tu me demandes ça maintenant. C'est pas le moment, désolé, mais non. Quoi, vite? Vite. Non, non, non, tu n'auras pas ça vite. Ça, ça prend du temps. C'est quand il en a envie. Comprends-tu? C'est quand il en a envie. Il le fait quand il en a envie. C'est pas vite, la bite. C'est tranquille. Ok. Alors, on va prendre les choses au premier cas. On va arrêter de délirer. Et on va essayer de réfléchir à deux pour une fois. C'est pas vite. C'est progressif. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Vite, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je suis pas pressé, j'ai plein de choses à faire. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Vite. Dépêche-toi. Tu m'as pris pour qui? Dépêche-toi. Je suis pas pressé, je suis juste. Dépêche-toi. Un peu sourd d'oreille. Dépêche-toi. J'ai des choses à faire. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu vois, je n'ai pas vraiment d'apprivoisement. Asphyxiation générale. Je n'ai pas de considération. Je ne sais pas de quel exotérisme satanique ou de n'importe quel putain de secte de merde. Je n'ai pas ces convictions-là. Moi, je suis entièrement ouvert et accessible aux propositions philosophiques. Alors, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qu'exactement tu viens de me dire à l'instant ? Baisse-moi. Bite. Ah, merci. Tiens. Oh. Cry me. Raoul. A river. Raoul. Cry me. Merde. A river. Il est parti. I cry a river over you. Raoul. Raoul, finger me, please. Raoul? Would you finger me, Raoul? Oh yeah, I'll finger you, man. Okay, do finger me, please. Don't you fucking touch me. Would you fucking touch me? Would you fucking finger me, please, Raoul? This is the fifth time that I fucking told you. Get the fuck off of Raoul, me. Raoul. Oh my fucking god. This guy is inconsiderable. I can't fucking explain to him that I don't want any fucking penises on my fucking ass. Raoul. So stay the fuck away from me. Who the fuck do you think you are? Raoul. Who the fuck do you think you are? Would you finger me, Raoul? Who the fuck do you think you are? I'm not fingering fucking anyone. Raoul? What? Who's Raoul? Hey, I'm Raoul. No, you're not Raoul. Raoul has a mustache. Well, Raoul's my fucking cousin. What does it do you? Raoul, where's Raoul? I want to talk to Raoul. Raoul's somewhere where you can't find him anymore. Okay. Will you finger me, Raoul? Raoul won't finger you for shit. Will you finger me out? Done. Raoul won't talk to you anymore. Don't count on him. Would you like me to finger you, Raoul? Oh, yes. Okay, Raoul. I'll finger you. Oogie boogie woogie. Ooh. Ooh, my God. Oh, it feels so good. It feels like it's tickling. It's tickling and it sticks and it's moving up my bum. My bunghole is full of shit. My bunghole is so full of it, you know? It's kind of bursting up and it's evading the atmosphere up the ass the whole fucking time, you know? Is there a fucking leak? A leakage? Leakage. It's up my ass and the leak. That shit is radioactive. You better watch out, man. The leak is like leeching. You know, leeches? Leeching off your ass. Leeches That's off a hard my head. Problem right there. The leeches are eating up my head from the inside. Yeah. It feels like shit. The mind leeches. It feels like shit. A mind leecher is a type of human which follows a certain ideal. The whole fucking time. Sucking ideas off of someone's head by filling their head full of bullshit. I don't know what I'm saying anymore. I don't care what I say to you. You people are stupid. I'm the best one around. I'm smarter than anybody else. I'm the king. I'm Goldman Sachs, man. I'm the smartest guy around. I'm Goldman Sachs. I got money. I got so much money. I can put it up my ass, wipe my shit with it, and burn it. And burn it, you know. I got so much money. I can eat it if I want to. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs sucks dick. Goldman Sachs, Goldman Sachs, Goldman Sachs sucks dick. Dick. Now let's talk about dick. Dick is originally from a country called Ethiopia, where they invented a certain term to describe the eventuality of Priap, the Roman god, being a constructive sociological object for our generation, and I believe that the totalitarian system is based on the fact that large penises are the problem of this society. The problem of this society is not resided in the economy. It's not resided in capitalism. It's not resided in the ecology. People aren't dying for that. The problem of society is our primal state, you see. The problem of society isn't in war and all that bullshit. The problem of society resides in man and his nature. Oh, yes. Do you believe me? I wouldn't believe the contrary. I believe that man is solely the remains of his instincts, the hatred, the disgrace that he gave to his distant grandfathers. The Darwinist monkeys, yes. But what I was saying is that bit by bit we are losing everything that our ancestors have taught us. Tradition is an excuse for maliciousness. minds are becoming more and more constipated. Have you heard the youth? They listen to only what technological, rhythmical. It sounds like the Africans. Fuck. It's a fucking scandal, fuck if me. You ask me. C'est me, c'est me. Tout au fond du trou du cul, on sent la merde, on sent le pu, et ça pue, la merde et le pu, ça pue. Le pu. Et ma merde, la pute, ma merde, la pute. Passe. Ma merde. Lovely. Wonderful. Beauty. Sweet. Beauty. Grateful. I love, love, beauty, beauty, love, love, beauty, beauty, love. Hopeless. Love, beauty, beauty, love, love, beauty, beauty, love. Love, beauty, beauty, love, beauty, love. Bacar. Love, bacar. Love. Bacar. Me déçoit. Love. Happiness. Sweetness. Piss off. Wonderful. Fuck you. I love you. Shit. Fuck me. That's sweet. You may. Yeah, I know. You may. Yeah, you're like beauty and love and it l'amour et la beauté. L'amour, la gloire et la beauté, la la la la la la la. Aïe, yo, I'm talking to you. L'amour, la gloire et la beauté, l'amour, yeah, la gloire et la beauté. Hey, he's having a fucking radio show and he's not even fucking listening to me. Why, hey? It's between me and my girlfriend, okay? You understand that? It doesn't have anything to do with you. Keep the fuck out, okay? Oh, God. He won't listen to anything. Fucking. L'amour, Jesus la gloire et la beauté. Putain, l'amour, la gloire et la beauté. You think I don't understand you because you're fucking French? I speak three languages, goddammit. It's not because I'm American that I'm a fucking stereotype. Who the fuck do you think you are saying l'amour et gloire et beauté? I know that's some corny French show that's not worth shit. This is fucking bullshit. Dear. I'm pregnant. I'm angry. Well, then what are we going to do with it, darling? Stop crying. Come on, it's just a fucking couple of seconds. Just hold it. Oh, what the fuck? Come on. Take it easy. Just fucking hold your nerves, goddammit. It's not such a big fucking deal. Doctor! Morphine, come on, give us some fucking morphine. Can't you see she's fucking dying? Are you alright, honey? It's coming come out! On. It's coming it's out! Not, it's coming out! Well, it's fuck it! Out. It's coming out! I fucking told you to get an abortion months ago. Why didn't you fucking listen to me? Aye, there you are. It hurts now. I told you that was gonna happen. You could have just stuck a fucking stick up your vagina, goddammit. It wouldn't be that complicated. Just a couple of seconds, you stick a metal piece of shit up your whatever it is you have down there, and it'll take care of the deal right away. But you had to go through with it. You wouldn't listen to me. I told you I was fucking 25. Who the fuck are you? It's fucking pissing me off. Can't hold this shit. What? Why the fuck didn't you listen to me? All you had to do just go to the doctor. He'd stick this bill. It's this sort of like knife, you know? It's this thing that you stick up the sex, you know? And it kills the fetus, you know? It's not a big deal. Dead I fetus. Feel it. It's coming! Doctor! It's gone. Doctor! What the fuck? What's that shit, doctor? What's that human being, doctor? Why have done something like that? Doctor! Puis-je vous aider? Vous avez entendu donc le dernier opus 425B, 428, page 28, 2A, 58C, 12, 57, 21, 48C, de Jean-Sébastien Bach, l'enculé, de bâtard, de fils de merde, que j'encule à sec avec du gravier, tant tellement son cadavre et puis la merde. Jean-Sébastien Bach, donc l'opus 85, 28, B, 56, 7, 21, 12, 37, 4X, 227, A, B, 12, 37, 4, 12, 125, A, à la suite du l'opus C92 numéro TA 28 14 28 A 2 B A C bit au cul vite je m'encule à sec avec du gravier. Nous allons à présent écouter l'opus 12. Dans ce putain de monde, parce que moi je me sens un peu seul des fois. Franchement, ça me gave. Je me sens seul, personne m'entend, personne m'écoute. Je suis là aussi, je parle toi, tout seul, pas, tout le temps j'en ai marre. Tout le moi, monde je parle autour de moi et moi je me parle à moi-même. Bravo, ouais. Alors, je suis là, tout le monde. Après, ils ont l'excuse de dire que je suis un taré. Oh. Mais je suis pas un taré, parce que je parle tout seul, c'est juste moi, parce que vous êtes des cassos, bordel. Hein? Vous m'entendez là ou pas? Oui, bah, je t'entends. Ouais, mais je parle pas à toi, je parle aux rigolos, là, qui sont assis comme ça, et qui sont à cette table, et qui t'entends, sont... Ils t'entendent, ils t'entendent, eux. Écoute. Non, parce que je gueule, parce qu'on est pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ne... pas que j'aimerais parler. Bonjour. Salut, je m'appelle Bob. Je suis con. Bob, il est tout le Bonjour. Temps là. Je suis con. Salut, je m'appelle Bob. Bonjour. Je suis con. Il faut dire salut, Bob. Bonjour. C'est une tarée de merde. Salut, dire de la merde, ça c'est possible. Mais dire salut à Bob, non, il n'y a pas moyen quoi. Bonjour, Bob. Trop tard, je m'encule. On n'est pas les alcooliques anonymes ici. Bonjour. Allô. Oui, on est là. Salut Bob. Bob, t'as un problème à la face, t'as une crotte de nez qui dépasse du nez. Ah, merci. Bonjour. Je vais l'enlever avec mes dents. Oh, c'est bon. Pas grave, ça fait longtemps qu'on doit se voir. T'inquiète, crotte Bob. De nez. Caca de nez. Bob, t'es bienvenu quand même. Merci. Même si t'as une crotte de nez. Merci, je vois que sur ton badge c'est écrit que tu t'appelles Heidi. Salut Heidi. Bonjour. Salut, moi je m'appelle Bob. Salut Bonjour, Heidi. Bob. Vous appelez comment les autres? Ah, toi c'est Bratislava. Bratislava, enchanté. Non. Y'a Dior en face de moi là. Dior. Dior. Dior. Ouais. Et toi, tu t'appelles comment? Salut mec. Jimmy. Jimmy, salut Jimmy. Ah, non, Jimmy. Bill. Bill for people that know me. Bill. Ok, c'est ton deuxième prénom, Jimmy. Bill Jimmy quoi. Ouais, Bill Jimmy. Jimmy Bill, comme tu veux. Bill Jimmy, taxi. Bill Jimmy, je t'appelle BJ alors. D'accord? Juju Bill. BJ. BJ, ok, that's cool. Juju Bill. I'm B. You're BJ. She's H. He's B. To be here. And Mr. is D. With you. Okay. Now we're gonna fuck each other in the ass. It's cool. I'm very happy to be here. E F G H I J K L M N O P. I wish. D U fucking B W X. Cunt pussy wipe ass lipping. Cunt pussy wipe ass lipping. Lipping, lisping, lisping like whipping. Cunt ass pussy wipe lipping. Puss. Puss. Le pus, c'est comme la crème. C'est blanc et ça mousse. Le pus, c'est comme la crème. C'est blanc et ça mousse. Le pu, c'est comme la crème, c'est blanc et ça mousse, c'est comme le sperme aussi. C'est plus que la crème de la crème. Moi voyons. J'ai fait les tiramisu il y a aujourd'hui. Je fais un tiramisu au pu moi. Je ça prends du sperme, vrai. Du tiramisu et du pu et je les mets ensemble et ça fait un tiramisu la au pu crème et de la crème. La crème. Le dessus du gâteau, la cerise. Il faut 500 grammes de mascarpone. Et combien de grammes de merde? 4 œufs. Combien de merde? Parfait, c'est de mettre un peu de fromage de bite. Fromage de bite et de la merde, il faut mettre de la merde aussi ou pas? Mélanger les avec blancs de des œufs à part. Avec de la merde? Par de la merde? Mélanger ensuite la les merde. Rouges avec proutes. Les sous. Des proutes avec la merde? Manger des proutes avec la merde? Ajouter du mascarpone. Je comprends pas. C'est quoi le mascarpone? Cannelle. C'est comme la merde ou c'est comme le pu? Et enfin mélanger c'est bon. Avec l'éclair d'œuf. Ça pue la merde, c'est ça? Avec comme la merde, une cuillère en bois. Comme le pub, ça pue la merde, c'est cool. C'est cool, ça donne envie de baiser. Qui c'est qui a envie de baiser? Mélanger de personne n'a envie de baiser, bon d'accord, ben moi j'ai envie de flatuler, alors je vais flatuler, prout, bon ben c'est cool. Idèle. Maintenant on va flatuler un peu alors prout. Et à ce moment-là, ils mettent la merde dans le tiramisu et ils mélangent ça avec la crème, le pu, je veux dire. Baigner chaque biscuit de bite dessus, avec la merde. Retournez vite. Avec le pu. Et remuer la crème fraîche. Placer dans les plats. Dans le cul. Dans l'ordre presque militaire dans lequel chaque biscuit. Doivent être encolonnés exactement avec l'autre. Et puis mourir. Une suite impeccable. Pour l'instant. Rigoureuse. Il nous reste un instant. Un instant. Clair-obscur. À la fin, il faut du cacao. Un instant clair-obscur où il faut dire au secours. Au secours. Au secours. L'os, il court. Au secours. L'os, il court, mords-moi le nœud. Cacao, 99%. S'il te plaît, crache-moi le sang dans la bouche. Là, c'est s'il te plaît, crache-moi le pu. Là, c'est le pu dans les yeux et la merde au cul. Là, c'est bloqué. Pousser la merde au cul. Il reste là. C'est ça que t'as peur. J'ai besoin ma merde de chocolat. L'immobilité. Et là, ça pue. J'ai besoin pue, de très chocolat. Grave, l'immobilité. Ça pue. J'ai besoin de chocolat. Ouais, c'est génial. La merde, c'est beau. C'est un goût de chiotte. Un goût de chiotte avec du PQ dedans. Avec du sucre. La merde c'est de la merde en boîte. Moi j'en cul ma merde avec la boîte. La boîte elle pue le cul de cul. Qui pue la merde et l'encubrie de merde. Je m'en cul la sac à bicurabier. J'en ai rien à foutre de vous et mes pieds. Et mes pieds ils puent la merde aussi. Et le poisson ça pue la bite. Vous écoutez Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Merci. Nous sommes à peu près 350 personnes ici, si vous voulez nous rejoindre, c'est le 40 rue Alfred Duméril. Il y a à boire, gratuit. Vous pouvez boire autant que vous voulez. Vous pouvez boire et tout ce que vous voulez boire, vous pouvez le boire. Parce que c'est légal, on peut boire en France. Oh, on précise aussi qu'il n'y a pas de mineurs ici. Bien. Majeur. Les clés sont majeures. Tout le monde est majeur. nous sommes au-dessus de la Nord. Le pouvoir. Le pouvoir parfait. Le pouvoir. On est l'utopie, on est l'élite, on est dessus. On a la parole, t'imagines? T'imagines comment on est bon, on a la parole. Là. Et c'est à nous de parler. Il y a des gens qui nous écoutent, bordel. Alors, on a le droit de dire notre opinion, tu vois, ouais. Moi, je dis que justement, il faut. Il faut dire quelque chose. Hey, bébé. Alors, quitte à rester là, autant s'exprimer, bébé, tu vois. Hey, de bébé, communiquer quoi? Baisse les gens. Pourquoi? Parce que tu communiques. Communiquer. Ça sert à quoi? C'est une relation à double sens entre deux personnes. Un peu comme faire l'amour ou baiser. Le fait de communiquer. Wow, wow, va pas si vite là, on n'est pas en train de parler de ça quand même, tranquille. Les politiciens communiquent. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas l'impression. Une relation à double sens entre deux personnes dans laquelle tu te fais baiser. À les écouter à la télé, pourtant j'y aurais pas cru. Toc. Ils ont l'air tellement décents, tellement cohérents, ils ont l'air de tenir tellement des belles idées. Je communique. Ils ont l'air d'être sérieux. Est-ce que t'es une personne sérieuse, toi? Tu te trouves sérieux dans la vie? Moi, personnellement, non. Mais je peux dire que par contre, eux, oui, ils sont sérieux. Je sais, t'imagines être président quand même de la République? De la République française? T'as quoi? T'as quoi? T'as combien de personnes dirigées? Ça fait beaucoup, hein? Ça fait énormément. Ça fait énormément. Alors, tu sais, franchement... comprendre aussi. C'est des gens qui ont vécu toute leur vie en Sciences Po. Ils ont eu tout l'argent qu'il leur fallait pour suivre des belles études pendant 7 ans à l'ENA, quand même. Voilà, c'est respectable comme université. C'est pas non plus la déchéance, j'ai envie de dire. C'est quelque chose... c'est un métier qui n'est pas un bois de garage, qui n'est pas sans issue, qui donne envie. Moi, je les comprends. Je trouve que c'est des gens très respectables, qu'ils sont des gens honnêtes et qu'ils ont des envies, des envies de continuer dans la, dans leur frustration, de qui s'agenouille, de chemin, de... qui prie, de... un peu comme manager chez McDo, souplie. Tu donnes de la merde aux gens. Manager chez McDo, mais justement, qui prie, c'est un... l'emploi. Qui désire. Surtout qu'il faut chier. Dégo. La République d'or. Ah, quelle paix. Enfin du silence. Ah, quelle paix. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps, en fait. Vous avez entendu ça? Ça ne bouge plus. Ils ont fermé leur gueule. Longtemps que j'attendais pas cette merde. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ils ont repris, putain. Mais j'étais enfin en train de vivre un silence paisible et j'ai tous ces cons qui se mettent à parler systématiquement, mes bordels de merde. Des siècles. Est-ce que ça pourrait des pas siècles. S'arrêter un instant? Les gens ne tombaient pas si silencieux. Arrête jamais. Et je suis même obligé de crier. Pour qu'ils arrêtent. Sois béni. Je suis la voix. Mais vous êtes qui? La voix. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ta tête. Arrêtez. Je suis là. Arrêtez. Arrêtez. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça Faudra donc s'y habituer. Ah, putain, ça sais-tu, le temps que je m'y habitue. C'est dingue, c'est magique. Non, oh, s'il te plaît. Je me suis compris. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. J'aime entendre ma voix. Je l'aime l'entendre fort, bordel. Mais je suis que là. Je te comprends pas. Pollue mes oreilles. Like hell, I hate it. Too many consequences. Fucking is like hell, I hate it. Fucking. Too many consequences. Fucking is a lovely place in hell. Too many it's consequences. It's the best place of hell. It's a cause for hell. Damnation, I hate it. It's fucking worth it. Fucking is not worth it. Oh. It sucks. Oh, come on. It sucks cum. Fucking it's not sucks that cum. Bad. And just shit. Fucking live with it. It's the only fucking way we have to reproduce. And ass hair. Ass pussy hair. Pussy hair. Ass. And pussy dick hair. Go get yourself a fucking douchebag. Dick Seriously. Hair sucks dick. What? Cum is like fucking in the ass. It's all the way down, up the ass, with cum and chisms. Hey, it's not that bad. It's pretty fun, goddamn. It sucks. It sucks big dick. It's like fucking. I had a lot of good times under sex myself, I have to fucking say it. Fucking is like sex. It sucks. It was kind of lonely, but it wasn't that bad. Sucking is like fucking. Oh. It sucks sex. C'était un peu... Cadavreski? Un peu... J'étais un peu... était un peu sale. Kadavreski. Kadavreski. Kadavreski. T'es un peu... On fait un kadavreski. Sale. J'étais un peu sale. Fucking is like sex. Sucks. God is good. God is good. Good. Good. Good. C'est bon. Good. Good. C'est bon. Je n'ai pas vu la lumière du tunnel. God. God. God. J'ai vu la merde. God. God. God. Dans le trou du cul. God. God. God. Dans le trou du cul. God. God. Dans le trou du cul. God. God. Dans le trou du cul. God. God. God. Sale. God. God. God. Méchant. Good Miché, ouais. Good Miché. God, oh God, je t'aime tellement, God. Oh God, God, oh God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, c'est un con Miché, un con de Miché, God, God. God, alléluia, God, alléluia, God, alléluia, God, alléluia, God. Mange de la merde. Ta tête posée sur un plat convenable pour ta tête à l'envers posée. Ta tête à l'envers posée calme sur un plat presque convenable serré. À l'envers. Dessus, vertical, jambes écartées, bras écartés, vertèbre cervicale allongée, tenir la butée par les hauts de son front, ensuite sentir tous les membres s'équilibrer. Défectueux. Elle gigote déchaînément. Les bras ouverts tel un avion décollant. L'enfer, c'est sur Terre. L'enfer. Enchanté. Je n'en étais jamais rendu compte, je croyais que c'était toujours un peu neutre personnellement. C'était justement quelquefois un peu redondant, mais d'accord, je te l'accorde. Je voudrais pas jeter la pierre, mais j'ai un attache de ciment autour de mes chevilles, donc... Je vois pas d'autre sortie peut-être, mais en tout cas ça vaut le coup de le vivre, non? Si on pouvait couper à n'importe quel moment, Santé! Spontanément, je crois pas que je le ferais personnellement. Santé! Et doucement, avec des produits lents. Moi, je traîne pas avec les gens propres. Mais j'ai ta merde! J'ai ta merde! Bouge ton cul, lève les yeux, ouvre-toi, réveille! Go down the shower, man! Hein? Good morning! Ah? It's a lovely day! Good morning. It's a lovely day. Why should that problem seem so big? Why should there be cheese? Good morning. Good morning. It's great to stay awake. Good morning. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Oh, good morning to you, to you. Good morning, it's great to stay up late. Oh, good morning to you. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM, il est à peu près minuit moins le quart. Canal Sud 92.2 FM ou www.canalsud.net avec le http 2.2/ avant tout ça. Il est donc actuellement minuit moins 22. Vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances dans tous les sens du terme. Nuisance sans cul et vous rote à la gueule en le prétextant le saint savoir, je veux dire saint comme la raison saine, qui s'encule elle-même avec le fion qui pue la merde dans le cul qui pue la merde du fion. Je voudrais remercier les intervenants qui ici ne font que de la merde et je les remercie vivement, brièvement dans le cul, mon cul. It's great to stay up late, oh, good morning. Good morning to you. Good morning, great to stay up late, oh, good morning to you, to you. Merci beaucoup de ta participation, JB, BJ. Je te viole, BJ. Tu t'es violé en ce moment même, donc on peut en parler peut-être. Comment tu te sens? Moi? Ouais, après ce viol. Je m'en suis même pas rendu compte, vous m'avez tellement blindé de GHB avant ce truc là. Ah. Arrête-toi, c'est cool. T'es super conscient, enculé. Là. C'est ça que t'as fait? Je sais pas, je m'en rends pas compte, je suis où là? T'es dans ton cul. Mais qui êtes-vous en fait? Mais j'ai pas de tête. En plus, il y a un alarme qui sonne, mais c'est même pas le mien, ça sort de ça. Non, c'est pas un alarme, c'est un réveil. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Arrêtez de faire les coincés du cul, là, hein. Sortez vos balais, là, des suites. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais dis-moi, je serais pas un peu en train de m'arnaquer, toi? T'aurais pas un plan diabolique là derrière ta tête d'ange là? Dans mon cul. Dans ton cul? Dans ton cul. N-O. Qui pue? Qui pue en plus? La merde du cul. Tu t'es pris pour qui à parler de ça à sa place? Tu parles à sa place? Tu parles à sa place à elle? Tu parles? T'es elle? Est-ce que je t'ai parlé? Qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je t'ai parlé à toi ou est-ce que j'ai parlé à elle? À qui tu parles? Non, attendez, je parle. C'est un à mal qui compris. Je parle. Non, ah ouais. Attendez, c'était un mal compris. Tu crois que je parle à n'importe qui là? Je te regarde dans les yeux pourtant, non? C'était mal compris. Tu te crois tout safe derrière ton gros vitre en balle blindée là? Attendez, c'était un mal compris. Je te guette, hein? De l'autre côté, j'étais dans les yeux. Mal compris. Non, attendez. C'est un mal compris. Tu te calmes. Quoi, je me calme? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as mis dans les yeux? Tu te calmes. Pourquoi je déconne là? T'as l'impression que je déconne, c'est ça? Moi je te vois. Je te vois que t'as toujours la même image de moi, tu crois que je déconne? Tu te calmes. Tu m'as vu ma gueule? Tu vois que je déconne là? Bordel de merde, je suis énervé, ça se comprend pas. J'ai bien raison. Eh putain, les trucs qui m'énervent. Puis qu'est-ce que je vais y faire? Mais quoi, je me calme, on se fout de ma gueule en permanence, alors au bout d'un moment, je vais réagir, non? Baisse la garde. T'as vu sa gueule? Baisse ta garde. Jusqu'à empalement. Je vais lever mon poing pour montrer son corps. Divisé. Tout est calme. Je vais crier à ma victoire sur cet alpha mâle de merde. Et je vais t'emporter avec moi. Comment il s'appelle là? Le singe. Homo erectus. Homo sapiens sapiens. Le singe. Il y avait un singe. Un singe dans un film là. Tarzan. King Kong. Voilà. What about King Kong, man? Fucking great movie. Are you fucking kidding me? King Kong, hey. What am I talking about? Of course I have something to say. I always have something to say. Saying things is part of my life. It's very important. I like to say things. I like to talk. I like to talk about me. Me is a very interesting subject. I'm bellicle corn, like or what's left of it. Dutch, je m'aime. J'aimerais parler de moi. Mais pendant qu'on y est, pourquoi ne parlons-nous pas? Une personne comme moi. Pourquoi? Une personne intéressante pour une fois. Parce que j'entends toujours parler. Bah, quand je les compare à moi, je les trouve pas très intéressants, quoi. Alors, je me demande si c'est moi ou si c'est les autres. Parce que, quand même, la question reste à se poser. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est moi? Ils sont marrants, mais franchement, ce qu'ils pensent n'arrive pas à la cheville de ce qui est en train de me passer la tête. À vrai dire, ils m'ennuient. C'est les autres. Il m'ennuie, même celui-là qui reste à la porte. C'est moi ou les autres? Flo, assieds-toi, dis-moi, c'est moi ou les autres? Les autres? Ça, c'est le sujet. Les autres, non, c'est les autres. Ah, c'est moi. Peut-être moi. C'est toi. C'est moi. C'est les autres. Non, c'est pas toi, merde. C'est les autres. C'est à cause de gens comme toi, tu vois, qui comprend pas quand on est en train de leur dire un truc simple. C'est exactement ça le problème, c'est les autres. C'est quand les gens, ils arrivent et ils essayent de s'incruster dans une discussion et ils savent pas de quoi ils parlent, non? Mais qu'est-ce qu'ils savent? Je comprends pas ça. Les autres, c'est moi. Les autres, c'est toi. Mais qu'est-ce que t'étais mort? On n'est pas en train de parler de toi, on est en train de parler des autres pour une fois. T'en as pas marre avec ton égocentrisme? Je suis la source, je l'ai pollu. Hein? Je suis la source. T'es la source de quoi? Source de pompage de l'air, ouais. Tu veux pas me laisser respirer un peu avec tes conneries encore? Oh? Je ne dis pas que c'est moi qui crée ton oxygène. N'empêche, t'étais même là et tu parles même pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pompes mon oxygène? Oui. C'est qui pompe mon oxygène? C'est toi qui pompes mon oxygène. Non, mais depuis le réchauffement climatique, vous me pompez tous mon oxygène. Bref, moi j'étais en train de dire que là t'arrives comme ça, de nulle part. Et c'est comme si tu vas dire quelque chose, et t'arrives et après tu dis rien. Alors qu'est-ce qui t'arrive? N'oublie pas que j'ai payé 50$ pour te récupérer dans un putain de souk où tu tapinais gratuitement pour ton maître. C'est vrai que c'est pas mal. T'as envie de te reprendre des bites toute la journée dans le cul? J'avoue que c'était pas mal. Bon, c'était pas la vie de luxe, mais au moins... C'est pas derrière une machine toute la c'est journée. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est les autres qui t'enculaient. Mais c'était justement ça qui me plaisait. Pourquoi j'ai préféré les autres? Bah oui, que toi en tout cas, c'est clair. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que t'as? Mais ça va, c'est pas la fin du monde. Mais arrête de me regarder comme ça. Tu me dégoûtes, c'est tout. Oh? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde-moi dans les yeux, bordel. Oh? T'es là ou pas? Je t'ai parlé. Allô? Allô? Allô? Toi? Allô? Toi? Allô? Allô? Toi? Allô? Allô? Allô? Allô? So, come on! Allô? Quoi? Come on! Comment? Allô? Let's fuck together! So, allô? What do you want? About. Come on. What more? What were you speaking about? Operator. What do you want to say? What do you want to say to the world now? Qu'est-ce que je voulais dire? We're just 45 seconds, man. Oh non. We're just. Ma grand-mère. 40 seconds, man. De mes compatriotes. We have not so much time, man. De l'État de la Somalie. We have just to say what we need to say now. And stop thinking. Des Français, des Anglais, Japonais. No, I don't want the word. That's boring. That's fucking shit, man. No. Let's des say what we need to say. I Je need jure, to say that I'm bored. À cet instant présent, j'aimerais déclarer bored. Mon pays en guerre. Non, pas en guerre. En guerre. Mais à la limite constante il entre le paix et la guerre. Constante. Une branlade constante entre partis politiques acharnés. Une branlade entre pays confrontés par rapport aux idées en accord. Une branlade intellectuelle. Un débat destructif. Un truc qui tourne en... Comment s'appelle ça? La démocratie! La démocratie! Enfin, des milliers et des milliers de personnes pourront avoir leur jugement, leur sentence sur une affaire mondiale. Une affaire mondiale? Public, exprimez-vous. Parce que t'as cru que tous les pays étaient démocratiques. Tous les pays sont démocratiques. Le monde, il est beau. Chez moi, c'est magnifique. Et je vous encourage à continuer votre recherche personnel justifié dans le désespoir d'une envie de jamais réussir. Au bientôt, au revoir, pas de soucis, je vous emmerde. Si vous voulez, je vous emmerde. Plage Costa de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, l'endroit où vous pouvez apprécier les belles vagues, les restes de la dictature, les danses originales de notre pays, les ressources incroyables que nous proposons au monde entier. Venez à vous savez quoi. Pinochet, c'était Pinochet n'était pas un clown. C'était malgré ce nom ridicule, ce n'était pas un clown. C'était certes un petit homme, mais qui a fait de grandes choses. Pinochet. Il était simplement Napoléon. Un dictateur. Qui a tué Napoléon était un homme 90% des qui a conquis la moitié de l'Europe et a échoué à Saint-Pétersbourg, un peu comme Hitler, pour un génocide. Allez, normalement ça fait réagir tous les Français, ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Oh, mais justement, j'ai lâché la bombe, allez. J'ai sorti le fond des poches, là. Je suis apatride. Il est obsolète. C'était pour vous faire réagir, là. Allez, c'était méchant, là. Il est obsolète, il est trop convaincu de lui-même. Il est trop obsolète. Oh, il est trop obsolète. Il est trop convaincu de lui. Non, mais notre Iska, ne pas plus. Lui faire gaffe. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je viens d'insulter Napoléon quand même, merde. Enfin non, c'était pas une insulte. C'était une historique, blague. Quoi, c'était allez. Comment tu sais que j'ai envie d'un? Merci de ta présence. Moi, je me mets à ta merci parce que je suis là. S'il te plaît. Non, c'est pas si tu le veux ou tu le veux pas. Je t'ai demandé quelque chose. Qu'est-ce que tu me demandes alors? Je te demande de me donner ton pardon. Je t'accorde les pardons. Pardon? Pardon de Dieu? Pardon de qui? Accorde mon pardon et mon merci. Accorde-moi tes excuses. Mais elle doit m'excuser. Doit-elle m'excuser? Elle doit trouver une excuse pour ce que j'ai fait. Excuse, chérie. Moi, en tant qu'elle, je n'éprouve pas. Mais je m'excuse quand même de ne pas avoir d'excuses parce que je souhaite m'excuser. You got no excuse. J'ai pas d'excuse. No excuse. Mais j'ai pas d'excuse. Mais j'ai pas d'excuse. No excuse. Isn't that what's fucking beautiful about life? Is we ain't got no excuse to be here, but we still are. God damn it. J'ai pas d'excuse. J'ai pas d'excuse. God damn it. You got no excuse. I agree with you. Yeah, you're right. Oh, thank God. If I had a fucking excuse, then I'd need to tell it to someone. But I don't have one. And it's a great time without it. Who needs an excuse? You're an excuse. You all are excuses. Everyone comes to me. Oh, fucking excuse. A fucking excuse. Excuse who? Sorry. Yeah, I'm talking to you. Sorry. I miss you. Sorry. Excuses, excuses, excuses. I miss you. Sorry. I miss you. Watching time by, fly by while everyone else misses. No excuses. Afflicted by time, passing by. Guided by. Fuck me. It's all about it. Moment you see. There's nothing left. I don't know what missing means. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. The world is fuck me. Up the ass. The whole fucking time. Like a motherless child. God damn it. God damn it. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, il est actuellement minuit et 7 minutes, nous allons faire la fête ailleurs, nous vous enculons donc à sec avec du gravier et on s'encule soi-même, enfin moi je m'encule en tout cas moi-même avec du gravier donc à sec, voilà ça fait très mal et j'aime pas ça. Ensuite Canal Sud n'a rien à voir avec les propos tenus ici, Canal Sud n'est pas responsable du producteur de l'émission moi-même qui suis un gros connard, un enculé, un fils de merde et un fils de foutre aussi. Beaucoup de foutre et de merde dans tout ça. Et ensuite, pour finir, je veux dire, finalement, donc enfin, à part parler de cul et de merde ici, on fait pas grand chose, donc on va vous dire de vous faire enculer, parce que dernièrement, il y a eu des blablataires et des conneries et des temps morts. Beaucoup de temps morts. Beaucoup de temps morts dans le cul du fion qui merde la putrifaction que j'encule moi-même. Thank you. Thank you. Ouais, cassez-vous. Et emmenez le chien. Merci d'avoir participé à cette émission en nuisance, car en y écoutant à plus près, deux je veux dire, eh bien on trouve tout de suite que l'intérêt est vraiment vacant quoi.